Hamukejo Hamukayagala Upeka mamba Munu ya nwa Bisu nakaruga tebezari Tebezari je Hey, you get my number, blow my bell, yo. Minu ma sode akobe magade na suka na sanza. Yeah, yeah, yeah. ça. Quelle clarté. Gio Bulongo, Misadia Diama. Oye, où t'as qu'un source, hein? Pas de confusion. Mabenango, etika kamwa ba sekel. Oyanga Nasa Danti. Nasa Danti. Nasa Danti. Nasa Danti. Nasa Danti. O papa si to conçoa. Les animaux pétos salakalato. Koye pa di susu te o potie. Souffrance to komonaka. Les animaux soumouto salakalato. Koye pa di susu te o potie. Oui, qui est Tatine Angèle, née Jeanville. Ah, Tatine Adrienne, sœur en Christ. Tout ça, mais là-bas, pour ma soumou, ma commu, collègue, ma wa. Yo, café de l'âme, à quoi nous zemba. Moi na mama, di kanga ne passe. Mère Malou, di kanga ne passe. Me réveille.